Thérèse Raquin, chapitre 26. La crise dont Madame Raquin était menacée se déclara. Brusquement, la paralysie, qui depuis plusieurs mois rampait le long de ses membres, toujours près de l'étreindre, la prit à la gorge et lui lia le corps. Un soir, comme elle s'entretenait paisiblement avec Thérèse et Laurent, elle resta au milieu d'une phrase, la bouche béante. Il lui semblait qu'on l'étranglait. Quand elle voulut crier, appeler au secours, elle ne put balbutier que des sons rauques. Sa langue était devenue de pierre. Ses mains et ses pieds s'étaient roidis. Elle se trouvait frappée de mutisme et d'immobilité. Thérèse et Laurent se levèrent, effrayés devant ce coup de foudre qui tordit la vieille mercière en moins de 5 secondes. Quand elle fut roide et qu'elle fixa sur eux des regards suppliants, ils la pressèrent de questions pour connaître la cause de sa souffrance. Elle ne put répondre. Elle continua à les regarder avec une angoisse profonde. Ils comprirent alors qu'ils n'avaient plus qu'un cadavre devant eux, un cadavre vivant à moitié, qui les voyait et les entendait, mais qui ne pouvait leur parler. Cette crise les désespéra. Au fond, il se souciait peu des douleurs de la paralytique. Il pleurait sur eux, qui vivraient désormais dans un éternel tête-à-tête. Dès ce jour, la vie des époux devint intolérable. Ils passèrent des soirées cruelles, en face de la vieille impotente qui n'endormait plus leur effroi de ses doux radotages. Elle gisait dans un fauteuil, comme un paquet, comme une chose, et il restait seul, au deux bouts de la table, embarrassé et inquiet. Ce cadavre ne les séparait plus. Par moments, il l'oubliait, il le confondait avec les meubles. Alors leurs épouvantes de la nuit les prenaient. La salle à manger devenait comme la chambre, un lieu terrible, où se dressait le spectre de Camille. Ils souffrirent ainsi 4 ou 5 heures de plus par jour. Dès le crépuscule, ils frissonnaient, baissant l'abat-jour de la lampe pour ne pas se voir, tâchant de croire que Madame Raquin allait parler et leur rappeler ainsi sa présence. S'ils la gardaient, s'ils ne se débarrassaient pas d'elle, c'est que ses yeux vivaient encore, et qu'ils éprouvaient parfois quelque soulagement à les regarder se mouvoir et briller. Ils plaçaient toujours la vieille impotente sous la clarté crue de la lampe, afin de bien éclairer son visage et de la voir sans cesse devant eux. Ce visage mou et blafard eût été un spectacle insoutenable pour d'autres. Mais ils éprouvaient un tel besoin de compagnie qu'ils y reposaient leur regard avec une véritable joie. On eût dit le masque dissous d'une morte, au milieu duquel on aurait mis 2 yeux vivants. Ces yeux seuls bougeaient, roulant rapidement dans leurs orbites. Les joues, la bouche étaient comme pétrifiées. Elles gardaient une immobilité qui épouvantait. Lorsque Madame Raquin se laissait aller au sommeil et baissait les paupières, sa face, alors toute blanche et toute muette, était vraiment celle d'un cadavre. Thérèse et Laurent, qui ne sentaient plus personne avec eux, faisaient du bruit jusqu'à ce que la paralytique eût relevé les paupières et les eût regardées. Ils l'obligeaient ainsi à rester éveillée. Ils la considéraient comme une distraction qui les tirait de leurs mauvais rêves. Depuis qu'elle était infirme, il fallait la soigner ainsi qu'un enfant. Les soins qu'il lui prodiguait les forçaient à secouer leurs pensées. Le matin, Laurent la levait, la portait dans son fauteuil, et le soir, il la remettait dans son lit. Elle était lourde encore. Il devait user de toute sa force pour la prendre délicatement entre ses bras et la transporter. C'était également lui qui roulait son fauteuil. Les autres soins regardaient Thérèse. Elle habillait l'impotente, elle la faisait manger, elle cherchait à comprendre ses moindres désirs. Madame Raquin conserva pendant quelques jours l'usage de ses mains. Elle put écrire sur une ardoise et demander ainsi ce dont elle avait besoin. Puis ses mains moururent. Il lui devint impossible de les soulever et de tenir un crayon. Dès lors, elle n'eut plus que le langage du regard. Il fallut que sa nièce devinât ce qu'elle désirait. La jeune femme se voua au rude métier de garde-malade. Cela lui créa une occupation de corps et d'esprit qui lui fit grand bien. Les époux, pour ne point rester face à face, roulaient dès le matin dans la salle à manger le fauteuil de la pauvre vieille. Ils la portaient entre eux, comme si elle eût été nécessaire à leur existence. Ils la faisaient assister à leurs repas, à toutes leurs entrevues. Ils feignaient de ne pas comprendre lorsqu'elle témoignait le désir de passer dans sa chambre. Elle n'était bonne qu'à rompre leur tête-à-tête. Elle n'avait pas le droit de vivre à part. À 8 heures, Laurent allait à son atelier. Thérèse descendait à la boutique. La paralytique demeurait seule dans la salle à manger jusqu'à midi. Puis, après le déjeuner, elle se trouvait seule à nouveau jusqu'à 6 heures. Souvent, pendant la journée, sa nièce montait et tournait autour d'elle, s'assurant si elle ne manquait de rien. Les amis de la famille ne savaient quels éloges inventer pour exalter les vertus de Thérèse et de Laurent. Les réceptions du jeudi continuèrent, et l'impotente y assista, comme par le passé. On approchait son fauteuil de la table. De 8 à 11 heures, elle tenait les yeux ouverts, regardant tour à tour les invités avec des lueurs pénétrantes. Les premiers jours, le vieux Michaud et Grivet demeurèrent un peu embarrassés en face du cadavre de leur vieille amie. Ils ne savaient quelle contenance tenir, ils n'éprouvaient qu'un chagrin médiocre, et ils se demandaient dans quelle juste mesure il était convenable de s'attrister. Fallait-il parler à cette face morte? Fallait-il ne pas s'en occuper du tout? Peu à peu, ils prirent le parti de traiter Madame Raquin comme si rien ne lui était arrivé. Ils finirent par feindre d'ignorer complètement son état. Ils causaient avec elle, faisant les demandes et les réponses, riant pour elle et pour eux, ne se laissant jamais démonter par l'expression rigide de son visage. Ce fut un étrange spectacle. Ces hommes avaient l'air de parler raisonnablement à une statue, comme les petites filles parlent à leurs poupées. La paralytique se tenait roide et muette devant eux. Et ils bavardaient, et ils multipliaient les gestes, ayant avec elle des conversations très animées. Michaud et Grivet s'applaudirent de leur excellente tenue. En agissant ainsi, ils croyaient faire preuve de politesse. Ils s'évitaient en outre l'ennui des condoléances d'usage. Madame Raquin devait être flattée de se voir traitée en personne bien portante, et dès lors, il leur était permis de s'égayer en sa présence sans le moindre scrupule. Grivet eut une manie. Il affirma qu'il s'entendait parfaitement avec Madame Raquin, qu'elle ne pouvait le regarder sans qu'il comprît sur le champ ce qu'elle désirait. C'était encore là une attention délicate. Seulement, à chaque fois, Grivet se trompait. Souvent, il interrompait la partie de domino, Il examinait l'appareil éthique dont les yeux suivaient paisiblement le jeu et il déclarait qu'elle demandait telle ou telle chose. Vérification faite, Madame Raquin ne demandait rien du tout ou demandait une chose toute différente. Cela ne décourageait pas Grivet, qui lançait un victorieux, quand je vous le disais, et qui recommençait quelques minutes plus tard. C'était une bien autre histoire lorsque l'impotente témoignait ouvertement un désir. Thérèse, Laurent, les invités nommaient l'un après l'autre les objets qu'elles pouvaient souhaiter. Grivet se faisait alors remarquer par la maladresse de ses offres. Il nommait tout ce qui lui passait par la tête, au hasard, offrant toujours le contraire de ce que Madame Raquin désirait. Ce qui ne lui empêchait pas de répéter « Moi, je lis dans ses yeux comme dans un livre. Tenez, elle me dit que j'ai raison. N'est-ce pas, chère dame ? Oui, oui. D'ailleurs, ce n'était pas une chose facile que de saisir les souhaits de la pauvre vieille. Thérèse seule avait cette science. Elle communiquait assez aisément avec cette intelligence murée, vivant encore et enterrée au fond d'une chair morte. Que se passait-il dans cette misérable créature qui vivait juste assez pour assister à la vue sans y prendre part ? Elle voyait, elle entendait, elle raisonnait sans doute d'une façon nette et claire, et elle n'avait plus le geste. Elle n'avait plus la voix pour exprimer au dehors les pensées qui naissaient en elle. Ses idées l'étouffaient peut-être. Elle n'aurait pu lever la main, ouvrir la bouche, quand même un de ses mouvements, une de ses paroles eût décidé des destinées du monde. Son esprit était comme un de ces vivants qu'on ensevelit par mégarde et qui se réveillent dans la nuit de la terre, à 2 ou 3 mètres au-dessous du sol. Ils crient, ils se débattent, et l'on passe sur eux sans entendre leur atroce lamentation. Souvent, Laurent regardait Madame Raquin, les lèvres serrées, les mains allongées sur les genoux, mettant toute sa vie dans ses yeux vifs et rapides, et il se disait « Qui sait à quoi elle peut penser toute seule ? Il doit se passer quelque drame cruel au fond de cette morte. » Laurent se trompait. Madame Raquin était heureuse. Heureuse des soins et de l'affection de ses chers enfants. Elle avait toujours rêvé de finir comme cela. Lentement, au milieu de dévouement et de caresses. Certes, elle aurait voulu conserver la parole pour remercier ses amis qui l'aidaient à mourir en paix. Mais elle acceptait son état sans révolte. La vie paisible et retirée qu'elle avait toujours menée, les douceurs de son tempérament lui empêchaient de sentir trop rudement les souffrances du mutisme et de l'immobilité. Elle était redevenue enfant. Elle passait des journées sans ennui, à regarder devant elle, à songer au passé. Elle finit même par goûter des charmes, à rester bien sage dans son fauteuil, comme une petite fille. Ses yeux prenaient chaque jour une douceur, une clarté plus pénétrante. Elle en était arrivée à se servir de ses yeux comme d'une main, comme d'une bouche, pour demander et remercier. Elle suppliait ainsi, d'une façon étrange et charmante, aux organes qui lui faisaient défaut. Ses regards étaient beaux d'une beauté céleste. Au milieu de sa face, dont les chairs pendaient molles et grimaçantes. Depuis que ses lèvres tordues et inertes ne pouvaient plus sourire, elle souriait du regard, avec des tendresses adorables. Des lueurs humides passaient, et des rayons d'aurore sortaient des orbites. Rien n'était plus singulier que ses yeux qui riaient, comme des lèvres dans ce visage mort. Le bas du visage restait morne et blafard. Le haut s'éclairait divinement. C'était surtout pour ses chers enfants qu'elle mettait ainsi toutes ses reconnaissances. toutes les affections de son âme dans un simple coup d'œil. Lorsque le soir et le matin, Laurent la prenait entre ses bras pour la transporter, elle le remerciait avec amour par des regards pleins d'une tendre effusion. Elle vécut ainsi pendant plusieurs semaines, attendant la mort, se croyant à l'abri de tout nouveau malheur. Elle pensait avoir payé sa part de souffrance. Elle se trompait. Un soir, un effroyable coup l'écrasa. Thérèse et Laurent avaient beau la mettre entre eux, en pleine lumière, elle ne vivait plus assez pour les séparer et les défendre contre leurs angoisses. Quand ils oubliaient qu'elle était là, qu'elle les voyait et les entendait, la folie les prenait. Ils apercevaient Camille et cherchaient à le chasser. Alors ils balbutiaient. Ils laissaient échapper, malgré eux, des aveux, des phrases qui finirent par tout révéler à Madame Raquin. Laurent eut une sorte de crise pendant laquelle il parla comme un halluciné. Brusquement, la paralytique comprit. Une effrayante contraction passa sur son visage. Et elle éprouva une telle secousse que Thérèse crut qu'elle allait bondir et crier. Puis, elle retomba dans une rigidité de fer. Cette espèce de choc fut d'autant plus épouvantable qu'il lui sembla galvaniser un cadavre. La sensibilité, un instant rappelée, disparut. L'impotente demeura plus écrasée, plus blafarde. Ses yeux, si doux d'ordinaire, étaient devenus noirs et durs, pareils à des morceaux de métal. Jamais désespoir n'était tombé plus rudement dans un être. La sinistre vérité, comme un éclair, brûla les yeux de la paralytique et entra en elle avec le heurt suprême d'un coup de foudre. Si elle avait pu se lever, jeter le cri d'horreur qui montait à sa gorge, maudire les assassins de son fils, elle eût moins souffert. Mais après avoir tout entendu, tout compris, il lui fallut rester immobile et muette, garder en elle l'éclat de sa douleur. Il lui sembla que Thérèse et Laurent l'avaient liée, clouée sur son fauteuil pour l'empêcher de s'élancer, et qu'il prenait un atroce plaisir à lui répéter « Nous avons tué Camille ». Après avoir posé sur ses lèvres un bâillon qui étouffait ses sanglots, l'épouvante, l'angoisse couraient furieusement dans son corps sans trouver une issue. Elle faisait des efforts surhumains pour soulever le poids qui l'écrasait, pour dégager sa gorge et donner ainsi passage au flot de son désespoir. Et vainement, elle tendait ses dernières énergies. Elle sentait sa langue froide contre son palais. Elle ne pouvait s'arracher de la mort. Une impuissance de cadavre la tenait rigide. Ses sensations ressemblaient à celles d'un homme tombé en léthargie qu'on enterrerait et qui, bâillonné par des liens de sa chair, entendrait sur sa tête le bruit sourd des pelletes et de sable. Le ravage qui se fit dans son cœur fut plus terrible encore. Elle sentit en elle un écroulement qui la brisa. Sa vie entière était désolée. Toutes ses tendresses, toutes ses bontés, tous ses dévouements venaient d'être brutalement renversés et foulés aux pieds. Elle avait mené une vie d'affection et de douceur, et à ses heures dernières, lorsqu'elle allait emporter dans la tombe la croyance au bonheur calme de l'existence, une voix lui criait que tout est mensonge et que tout est crime. Le voile qui se déchirait lui montrait, au-delà des amours et des amitiés, qu'elle avait cru voir un spectacle effroyable de sang et de honte. Elle eût injurié Dieu si elle avait pu crier un blasphème. Dieu l'avait trompée pendant plus de 60 ans en la traitant en petite fille douce et bonne, en amusant ses yeux par des tableaux mensongers de joie tranquille. Et elle était demeurée enfant, croyant sottement à mille choses de niaise, ne voyant pas la vie réelle se traîner dans la boue sanglante des passions. Dieu était mauvais. Il aurait dû lui dire la vérité plus tôt, ou la laisser s'en aller avec ses innocences et son aveuglement. Maintenant, il ne lui restait qu'à mourir, en niant l'amour, en niant l'amitié, en niant le dévouement. Rien n'existait que le meurtre et la luxure. Et quoi ? Camille était mort sous les coups de Thérèse et de Laurent, et ceux-ci avaient conçu le crime au milieu des hontes de l'adultère. Il y avait pour Madame Raquin un tel abîme dans cette pensée qu'elle ne pouvait la raisonner ni la saisir d'une façon nette et détaillée. Elle n'éprouvait qu'une sensation, celle d'une chute horrible. Il lui semblait qu'elle tombait dans un trou noir et froid, et elle se disait « Je vais aller me briser au fond ». Après la première secousse, la monstruosité du crime lui parut invraisemblable. Puis elle eut peur de devenir folle lorsque la conviction de l'adultère et du meurtre s'établit en elle, au souvenir de petites circonstances qu'elle ne s'était pas expliquées jadis. Thérèse et Laurent étaient bien les meurtriers de Camille. Thérèse et Laurent étaient bien les meurtriers de Camille. Thérèse, qu'elle avait élevée, Laurent, qu'elle avait aimé en mère, dévoué et tendre. Cela tournait dans sa tête comme une roue immense, avec un bruit assourdissant. Elle devinait des détails si ignobles. Elle descendait dans une hypocrisie si grande. Elle assistait en pensée à un double spectacle d'une ironie si atroce qu'elle eût voulu mourir pour ne plus penser. Une seule idée, machinale et implacable, broyait son cerveau avec une pesanteur et un entêtement de meule. Elle se répétait. Ce sont mes enfants qui ont tué mon enfant. Et elle ne trouvait rien d'autre chose pour exprimer son désespoir. Dans le brusque changement de son cœur, elle se cherchait avec égarement et ne se reconnaissait plus. Elle restait écrasée sous l'envahissement brutal des pensées de vengeance qui chassaient toute la bonté de sa vie. Quand elle eut été transformée, il fit noir en elle. Elle sentit naître dans sa chair mourante un nouvel être, impitoyable et cruel, qui aurait voulu mordre les assassins de son fils. Lorsqu'elle eut succombé sous l'étreinte accablante de la paralysie, lorsqu'elle eut compris qu'elle ne pouvait sauter à la gorge de Thérèse et de Laurent, qu'elle rêvait d'étrangler, elle se résigna au silence et à l'immobilité, et de grosses larmes tombèrent lentement de ses yeux. Rien ne fut plus navrant que ce désespoir muet et immobile. Ces larmes qui coulaient une à une sur ce visage mort, dont pas une ride ne bougeait, cette face inerte et blafarde qui ne pouvait pleurer par tous ses traits et où les yeux seuls sanglotaient, offrait un spectacle poignant. Thérèse fut prise d'une pitié épouvantée. « Il faut la coucher, » dit-elle à Laurent en lui montrant sa tante. Laurent se hâta de rouler la paralytique dans sa chambre, puis il se baissa pour la prendre entre ses bras. À ce moment, Madame Raquin espéra qu'un ressort puissant allait la mettre sur ses pieds. Elle tenta un effort suprême. Dieu ne pouvait permettre que Laurent la serrât contre sa poitrine. Elle comptait que la foudre allait l'écraser s'il avait cette impudence monstrueuse. Mais aucun ressort ne la poussa, et le ciel réserva son tonnerre. Elle resta affaissée, passive, comme un paquet de linge. Elle fut saisie, soulevée, transportée par l'assassin. Elle éprouva l'angoisse de se sentir molle et abandonnée entre les mains du meurtrier de Camille. Sa tête roula sur l'épaule de Laurent, qu'elle regarda avec des yeux agrandis par l'horreur. « Va, va, regarde-moi bien, » murmura-t-il. « Tes yeux ne me mangeront pas. » Et il la jeta brutalement sur le lit. L'impotente y tomba évanouie. Sa dernière pensée avait été une pensée de terreur et de dégoût. Désormais, il lui faudrait, matin et soir, subir l'étreinte immonde des bras de Laurent. Thérèse Raquin. Chapitre 27. Une crise d'épouvante avait seule pu amener les époux à parler, à faire des aveux en présence de Madame Raquin. Ils n'étaient cruels ni l'un ni l'autre. Ils auraient évité une semblable révélation par humanité, si leur sûreté ne leur eût pas déjà fait une loi de garder le silence. Le jeudi suivant, ils furent singulièrement inquiets. Le matin, Thérèse demanda à Laurent s'il croyait prudent de laisser la paralytique dans la salle à manger pendant la soirée. Elle savait tout, elle pourrait donner l'éveil. « Bah !» répondit Laurent. « Il lui est impossible de remuer le petit doigt. Comment veux-tu qu'elle bavarde ?»« Elle trouvera peut-être un moyen, » répondit Thérèse. « Depuis l'autre soir, je lis dans ses yeux une pensée implacable. »« Non, vois-tu, le médecin m'a dit que tout était bien fini pour elle. Si elle parle encore une fois, elle parlera dans le dernier hoquet de l'agonie. Elle n'en a pas pour longtemps, va. Ce serait bête de charger encore notre conscience en l'empêchant d'assister à cette soirée. » Thérèse frissonna. « Tu ne m'as pas comprise, » cria-t-elle. « Oh, tu as raison, il y a assez de sang. Je voulais te dire que nous pourrions enfermer ma tante dans sa chambre et prétendre qu'elle est plus souffrante, qu'elle dort. » C'est cela, reprit Laurent, et cet imbécile de Michaud entrerait carrément dans la chambre pour voir quand même sa vieille amie. Ce serait une excellente façon pour nous perdre. Il hésitait, il voulait paraître tranquille. Et l'anxiété le faisait balbutier. Il vaut mieux laisser aller les événements, continua-t-il. Ces gens-là sont bêtes comme des oies. Ils n'entendront certainement rien au désespoir muet de la vieille. Jamais ils ne se douteront de la chose, car ils sont trop loin de la vérité. Une fois l'épreuve faite, nous serons tranquilles sur les suites de notre imprudence. Tu verras, tout ira bien. » Le soir, quand les invités arrivèrent, Madame Raquin occupait sa place ordinaire, entre le poêle et la table. Laurent et Thérèse jouaient la belle humeur, cachant leurs frissons, attendant avec angoisse l'incident qui ne pouvait manquer de se produire. Ils avaient baissé très bas l'abat-jour de la lampe. La toile cirée seule était éclairée. Les invités eurent ce bout de causerie banale et bruyante qui précédait toujours la première partie de domino. Grivet et Michaud ne manquèrent pas d'adresser à la paralytique les questions d'usage sur sa santé, questions auxquelles ils firent eux-mêmes des réponses excellentes, comme ils en avaient l'habitude. Après quoi, sans plus s'occuper de la pauvre vieille, la compagnie se plongea dans le jeu avec délices. Madame Raquin, depuis qu'elle connaissait l'horrible secret, attendait fiévreusement cette soirée. Elle avait réuni ses dernières forces pour dénoncer les coupables. Jusqu'au dernier moment, elle craignit de ne pas assister à la réunion. Elle pensait que Laurent la ferait disparaître, la tuerait peut-être, ou tout au moins l'enfermerait dans sa chambre. Quand elle vit qu'on la laissait là, quand elle fut en présence des invités, elle goûta une joie chaude en songeant qu'elle allait tenter de venger son fils. Comprenant que sa langue était bien morte, elle essaya un nouveau langage. Par une puissance de volonté étonnante, elle parvint à galvaniser en quelque sorte sa main droite, à la soulever légèrement de son genou où elle était toujours étendue, inerte. Elle la fit ensuite ramper peu à peu le long d'un des pieds de la table qui se trouvait devant elle et parvint à la poser sur la toile cirée. Là, elle agita faiblement les doigts comme pour attirer l'attention. Quand les joueurs aperçurent au milieu d'eux cette main de morte, blanche et molle, ils furent très surpris. Grivet s'arrêta, le bras en l'air, au moment où il allait poser victorieusement le double 6. Depuis son attaque, l'impotente n'avait plus remué les mains. « Hé, voyez donc, Thérèse !» cria Michaud. « Voilà Madame Raquin qui agite les doigts. Elle désire sans doute quelque chose. » Thérèse ne put répondre. Elle avait suivi, ainsi que Laurent, le labeur de la paralytique. Elle regardait la main de sa tante, blafarde sous la lumière crue de la lampe, comme une main vengeresse qui allait parler. Les deux meurtriers attendaient, haletants. Pardieu, oui, dit Grivet, elle désire quelque chose. Thérèse ne put répondre. Elle avait suivi, ainsi que Laurent, le labeur de la paralytique. Elle regardait la main de sa tante, blafarde sous la lumière crue de la lampe, comme une main vengeresse qui allait parler. Les deux meurtriers attendaient, haletants. Pardieu, oui, dit Grivet, elle désire quelque chose. Oh, nous nous comprenons bien tous les deux. Elle veut jouer au domino, hein, n'est-ce pas, chère dame? Madame Raquin fit un signe violent de dénégation. Elle allongea un doigt, replia les autres avec des peines infinies et se mit à tracer péniblement des lettres sur la table. Elle n'avait pas indiqué quelques traits que Grivet s'écria de nouveau avec triomphe. « Je comprends. Elle dit que je fais bien de poser le double 6. » L'impotente jeta sur le vieil employé un regard terrible et reprit le mot qu'elle voulait écrire. Mais à chaque instant, Grivet l'interrompait en déclarant que c'était inutile, qu'il avait compris, et il avançait une sottise. Michaud finit par le faire taire. « Que diable, laissez parler Madame Raquin, » dit-il. « Parlez, ma vieille amie, et il regarda sur la toile cirée, comme il aurait prêté l'oreille. Mais les doigts de la paralytique se lassaient. Ils avaient recommencé un mot à plus de 10 reprises, et ils ne traçaient plus ce mot qu'en s'égarant à droite et à gauche. Michaud et Olivier se penchaient, ne pouvant lire, forçant l'impotente à toujours reprendre les premières lettres. « Ah bien !» s'écria tout à coup Olivier. « J'ai lu cette fois. Elle vient d'écrire votre nom, Thérèse. Voyons, Thérèse est... achevée, chère dame. » Thérèse faillit crier d'angoisse. Elle regardait les doigts de sa tante glisser sur la toile cirée. Et il lui semblait que ses doigts traçaient son nom et l'aveu de son crime en caractère de feu. Laurent s'était levé violemment, se demandant si elle n'allait pas se précipiter sur la paralytique et lui briser le bras. Il crut que tout était perdu. Il sentit sur son être la pesanteur et le froid du châtiment. En voyant cette main revivre pour révéler l'assassinat de Camille. Madame Raquin écrivait toujours, d'une façon de plus en plus hésitante. « C'est parfait, je lis très bien », reprit Olivier au bout d'un instant, en regardant les époux. « Votre tante écrit vos deux noms, Thérèse et Laurent. » La vieille dame fit coup sur coup des signes d'affirmation, en jetant sur les meurtriers des regards qui les écrasèrent. Puis elle voulut achever, mais ses doigts s'étaient roidis. La volonté suprême qui les galvanisait lui échappait. Elle sentait la paralysie remonter lentement le long de son bras et de nouveau s'emparer de son poignet. Elle se hâta. Elle traça encore un mot. Le vieux Michaud lut à haute voix. « Thérèse et Laurent ont... » Et Olivier demanda. « Qu'est-ce qu'ils ont, vos chers enfants ?» Les meurtriers, pris d'une terreur folle, furent sur le point d'achever la phrase tout haut. Ils contemplaient la main vengeresse avec des yeux fixes et troubles. Lorsque tout d'un coup, cette main fut prise d'une convulsion et s'aplatit sur la table. Elle glissa et retomba le long du genou de l'impotente, comme une masse de chair inanimée. La paralysie était revenue et avait arrêté le châtiment. Michaud et Olivier se rassirent, désappointés, tandis que Thérèse et Laurent goûtaient une joie si âcre qu'ils se sentaient défaillir sous le flux brusque du sang qui battait dans leur poitrine. Grivet était vexé de ne pas avoir été cru sur parole. Il pensa que le moment était venu de reconquérir son infaillibilité en complétant la phrase inachevée de Madame Raquin. Comme on cherchait le sens de cette phrase, « C'est très clair, » dit-il. « Je devine la phrase entière dans les yeux de madame. Je n'ai pas besoin qu'elle écrive sur une table, moi. Un de ses regards me suffit. Elle a voulu dire « Thérèse et Laurent ont bien soin de moi. » Grivet dut s'applaudir de son imagination, car toute la société fut de son avis. Les invités se mirent à faire l'éloge des époux qui se montraient si bons pour la pauvre dame. « Il est certain, dit gravement le vieux Michaud, que Madame Raquin a voulu rendre hommage aux tendres attentions que lui prodiguent ses enfants. Cela honore toute la famille. » Et il ajouta en reprenant ses dominos, « Allons, continuons. Où en étions-nous ? Grivet allait poser le double 6, je crois. » Grivet posa le double 6. La partie continua, stupide et monotone. La paralytique regardait sa main. abîmé dans un affreux désespoir. Sa main venait de la trahir. Elle la sentait lourde comme du plomb maintenant. Jamais plus elle ne pourrait la soulever. Le ciel ne voulait pas que Camille fût vengée. Il retirait à sa mère le seul moyen de faire connaître aux hommes le meurtre dont il avait été la victime. Et la malheureuse se disait qu'elle n'était plus bonne qu'à aller rejoindre son enfant dans la terre. Elle baissa les paupières, se sentant inutile désormais, voulant se croire déjà dans la nuit du tombeau.